J'ai des séquelles sur mon corps et mon cœur, mais la vie va ainsi, me comprends-tu ma sœur, mon frère? Serait ne sois pas si fier envers ta femme et tes gosses, faut qu'on soude, faut qu'on serre. Ma mère m'a toujours répété cette phrase, réfléchis puis agis et choisis la bonne case, on cause peu. Et quand on fait, on se dispute, mon père, je sais que tu veux me guider sur la bonne route, ma femme. Que j'aime plus que tout, combien de scarlats sont ici, mais les plus forts l'avouent, les autres ont peur de leurs sentiments, les cachent pour une image ou les durs, mais vraiment les plus forts font tout pour la famille, pousse la poussette et gâte celle qui donne vie, l'envie est juste de passage, mon ami, ne trompe pas celle que t'aimes, ne gâche pas tout pour une nuit, des ennemis. Y'a que ça sur ces terres, quand y'en a pas, on en crée quand il faut faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous vendre des armes. Et peut quelqu'un me dire combien coûtent toutes ces larmes? Je m'acharne encore une fois sur la politique. L'esclavage est toujours là, ils ont juste changé la critique. Je t'explique que les intelligences sont acceptées. Avant fallait juste être fort, même l'esclavage a évolué. J'aimerais évoquer les belles choses qui me plaisent, mais je ne peux pas car je ne sais pas du tout inventer. Malgré cette carte d'identité, je ne suis pas respecté ni traité comme français. Et oui c'est grave, car je vois pas de fraternité, pas d'égalité, pas de liberté, si malheureuse est la vérité.